Le pavot bleu par Julie Lavergne. Chapitre 1er. Miette à Lyon. Dans le gracieux village de Collonges, près de Lyon, demeurait, il y a 35 ans, un vieux dessinateur de fabrique nommé Jean-Baptiste Perroton. Il était veuf, sans enfant, et vivait étroitement de quelques petites rentes, fruits de ses économies, auxquelles s'ajoutait de temps à autre le prix des dessins qu'il faisait encore et envoyait proposer aux fabricants. Depuis plusieurs années, il ne sortait plus de son village et c'était sa gouvernante, Miette Bruna, qui faisait toutes ses commissions. Chaque semaine, le samedi, elle se rendait à Lyon de grand matin, dans la charrette d'une fermière de ses amis. Elle montait à Fourvière, y entendait la messe, déjeunait dans une petite hôtellerie à l'usage des pèlerins, que tenait l'un de ses neveux, puis elle redescendait en ville, faisait la tournée et les emplettes que lui avait indiquées son vieux maître, et rentrait au logis assez à temps pour lui servir les œufs et la soupe au fromage qui formaient son dîner du samedi. Ce frugal repas était assaisonné par les récits de Miette. Chemin faisant, elle avait glané des nouvelles et s'espaçait volontiers sur le compte des fabricants lyonnais qui avaient les plus grands torts du monde vis-à-vis des dessinateurs vu qu'ils mettaient sur les métiers bien plus d'étoffes unies que de façonnées. Or, par une jolie matinée de juin, alors que l'aurore commençait à teindre de rose le sommet du Mont Cindre, la fermière Claudine, ayant fini de remplir de légumes et de paniers d'œufs la petite charrette attelée d'un âne vigoureux et bien harnaché qui devait la porter à Lyon, appela son fils aîné et lui dit « Va donc voir si Miette ne vient pas. Elle est en retard. Je vais être obligé de partir sans elle. » Irénée obéit et revint bientôt dire à sa mère que Miette arrivait, un grand panier au bras, et qu'il lui avait crié de se hâter. Bientôt elle entra dans la cour de la ferme. C'était une petite femme vive, alerte et proprette, vêtue d'un casaquin grenat, d'un cotillon vert et coiffée d'un bonnet fort blanc. Le garde champêtre de Collonges, qu'il avait connu dans sa jeunesse, disait qu'elle avait été jolie comme un cœur, mais une vie rude et laborieuse et l'effort de 50 hivers avaient si bien effacé cette beauté que toute la jeunesse de Collonges était persuadée que le garde champêtre radotait. Un fin observateur eut pourtant deviné qu'elle avait été bien jolie, et cela rien qu'en regardant la façon aisée dont elle abordait les personnes de tout rang à qui elle avait affaire. Il y avait là un indice des sourires, de la bienveillance universelle qui, jadis, accueillait la petite Miette, et rien qu'au soin avec lequel ses humbles vêtements étaient ajustés, on voyait qu'autrefois elle s'était parée volontiers. Mais pauvre orpheline à 18 ans, elle avait dû pourvoir par son travail à l'entretien de son petit frère, et le printemps pour elle avait été bien court. « Arrivez donc, Miette, » dit Claudine, « vous êtes en retard. Il faudra faire trotter Martin Gris. Ça va bien? Votre monsieur n'est pas malade ?»« Non, Dieu merci. Il porte ses 80 ans comme une plume, mais il m'a retardé en me donnant encore une commission qui m'a bien ennuyé. » Tout en parlant, elle avait pris place à côté de Claudine sur la banquette de son rustique équipage, et Martin Gris trottinait de bonne grâce, stimulé par les claquements de la langue de la Claudine, sur cette jolie route qui côtoie la Saône au verdoyant rivage. « Quelle commission vous a-t-il donc donnée, Miette ?»« Hélas, encore une liste de drogues achetées chez Béatrix pour empoisonner des fleurs. Je croyais qu'il avait renoncé à cette manie. Empoisonner des fleurs? Que voulez-vous dire? Je croyais qu'il les aimait. Quand je dis empoisonner, c'est une manière de dire. » Ce n'est pas qu'ils veuillent les détruire, non, mais ils croient pouvoir changer leur couleur en arrosant les plantes avec de l'eau où il a mis des drogues. Il a réussi une fois, malheureusement, et ses hortensias bleus lui ont fait tourner la tête. Si bien que, l'année dernière, en traitant de la même sorte ses rosiers, il les a tous fait périr. Notre propriétaire s'est moqué de lui, et monsieur m'avait promis de ne plus recommencer. Mais voilà que son idée lui est revenue. Il a rêvé cette nuit d'un pavot bleu et, voyez cette liste, il veut que j'achète tout ce qui marquait dessus. Je suis sûr que cela va coûter les yeux de la tête et ne servira de rien. J'avais économisé pour acheter à monsieur une robe de chambre. La sienne, tout compte fait, a 52 reprises, 17 pièces, et a été retournée 2 fois. Elle en a besoin, le pauvre cher homme, maintenant qu'il ne sort presque plus. Il passera certainement tout l'hiver au coin du feu et je voulais lui faire une robe de chambre de molleton bleu, ouaté et doublé avec des échantillons de soieries que les fabricants me donnent de temps à autre et que je couds ensemble. Ce serait bien chou et bien joli, mais il faut acheter le molleton. Quand j'ai parlé de cela à monsieur, il m'a dit Ne vous inquiétez pas, Miette, le pavot bleu en payera bien d'autres. Quelle rêverie! Qui sait, dit Claudine, mais ce Perroton est un homme bien capable, et puisqu'il a su tourner au bleu les hortensias. Et quand même, il trouverait un pavot bleu, ma pauvre Claudine. Ça ne lui rapporterait ni sous ni maille, vu son humeur donnante. Il distribuerait ses graines pour un grand merci et des compliments. Feu, madame, savait compter, mais lui... Imaginez-vous que lorsque nous avons loué ici, à Collonges, notre petite maison, madame marchandait pour ne payer que 375 francs par an. Monsieur, à qui la maison plaisait, conclut et signa un bail en l'absence de madame à 400 francs, disons que ce serait bien plus commode de payer 100 francs tous les 3 mois que de se creuser la tête pour calculer le quart de 375 francs. Madame se fâcha, mais c'était fait. « Voilà un drôle d'homme, » fit Claudine. « Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait pu se ramasser une petite fortune. Oh, ce n'est pas lui, c'est madame. Elle dessinait presque aussi bien que monsieur, et elle se chargeait toujours de traiter avec les fabricants. Chaque fois qu'elle touchait une somme, elle en mettait de côté une partie, et ne laissait voir à son mari que la moitié ou les 3/4, c'est selon. J'étais dans sa confidence, et elle me disait, « Vois-tu, ma bonne, je m'attends à mourir bien avant mon mari, et je ne veux pas qu'il soit malheureux. C'est pour son bien que je lui fais des cachotteries. Mon testament expliquera tout. » Et qu'a-t-elle laissé en héritage ? Demanda Claudine, curieuse. Assez de quoi vivre, mais bien juste, vu la dureté des temps et cette sotte mode qu'ont les dames de porter des robes de soie unie. Monsieur a encore fait de jolis dessins cette semaine. Je vais les porter à Monsieur Didier Petit, et comme il y a des lys dans ce dessin et que Monsieur Didier Petit est royaliste, j'espère qu'il l'achètera. Regardez, Claudine, si on dirait ce dessin fait par un homme âgé de plus de 80 ans. Et tirant d'un carton placé dans son panier une feuille de vélin soigneusement enveloppée de papier fort, Miette montra un beau dessin colorié à Claudine. C'était un semis de fleurs diverses effeuillées et entremêlées d'un sombre feuillage, et sur lequel se détachaient des branches de lys d'un éclat charmant. Rien n'eût été plus beau pour une étoffe d'ameublement. Claudine s'extasia et dit « Quoi ? Il a fait cela sans lunettes et tout seul, ce bon monsieur Perroton. Tout seul. Mais quant aux lunettes, dame, il en met quelquefois 2 paires l'une sur l'autre. Heureusement qu'il a le nez fort long et un peu bossu. » On arrivait à Lyon, et le bruit que faisaient les roues de la carriole sur cet aimable pavé composé des cailloux les plus pointus que l'on peut trouver en Saône, et qui est usité à Lyon depuis qu'on y pave les rues, ce bruit strident, accompagné de chaos, interrompit la conversation. Bientôt les deux amis se séparèrent. Claudine alla s'installer au marché de la place Henri IV. Miette se rendit à Fourvière et de là en ville.